Je suis celle qui aime la nuit. La nuit, moi je me promène. Parce que la nuit, y a personne. Personne pour me regarder, personne pour me parler. Seulement des ombres, des fantômes, des fées, et puis bien sûr les habitués. Oh, ils sont pas gênants, les noceurs, les agents, les malfaiteurs, les mendiants sont mes confidents. Je suis celle qui aime la nuit. La nuit, moi je me promène. Parce que la nuit, y a personne. Personne pour me regarder, personne pour me parler. Depuis longtemps, le jour, moi je suis paumé à tout jamais dans mon quartier. Ah, ils sont pas marrants, les livreurs, les croulants, les baladeurs, les pédants, et tous les enfants. Je suis celle qui aime la nuit. La nuit, moi je me promène. Parce que la nuit, y a personne. Personne pour me regarder, personne pour me parler. Mais la fête s'arrête avec le jour. La nuit finie, je rêve. Je rêve à la nuit.